Bonjour à tous, c'est encore un dernier petit effort. Heureusement, on va encore rester dans le sujet de la valorisation et de la diffusion pour cette dernière intervention de la journée. Avec Mathieu, on va essayer d'être assez rapide pour vous présenter le portail France Archives que j'espère vous connaissez tous et que vous pratiquez assez souvent. Donc un mot rapide en trois temps, on va vous le présenter. Le projet de portail national, le portail en pratique et enfin, si vous voulez rejoindre France Archives, on sera à votre disposition. Bonjour à tous, merci. Merci beaucoup. Très rapidement, quelques points de repère pour France Archives, qui est un projet qui a ouvert en mars 2017, mais qui remonte en fait à 2014 pour la décision de lancer ce portail interministériel et qui remonterait même à 2012 pour le début de la phase de préfiguration. Simplement pour vous dire que, comme vous le voyez sur cette diapo, nous sommes actuellement dans la période entre 2016 et 2019, le marché de réalisation du portail. C'est la première version du portail qui a ouvert en mars 2017. Nous sommes actuellement dans un processus de bon de commande qui nous permet d'améliorer les fonctionnalités du portail, de corriger certaines déficiences que nous avons remarquées ou qui nous ont été signalées. Donc le portail tel qu'il existe actuellement est toujours en cours d'évolution, ce n'est pas sa version définitive. Et même après 2019, ça ne sera toujours pas sa version définitive, puisque nous allons commencer avec Manon Mani, qui est donc la chef de projet de France Archives, à réfléchir à notre futur marché quadriennal 2020-2023. Donc, avec un peu de chance, jusqu'en 2023, on viendra vous présenter chaque année les évolutions de France Archives dans le cadre de la journée des opérateurs. Ah, peut-être qu'on remontera dans le programme aussi. Donc, rapidement, les objectifs de France Archives. Alors, France Archives, ce n'est pas un portail destiné aux professionnels, ce n'est pas un portail destiné aux chercheurs, ni aux généalogistes. C'est un portail destiné à tous les publics. C'est même la seule préconisation qui nous a été faite par le directeur général des patrimoines quand on lui a présenté ce projet. Il ne voulait pas d'un portail spécialisé, au contraire, il voulait d'un portail qui soit accessible par le plus grand nombre. France Archives essaye, s'efforce de mettre les documents d'archives à la portée d'un public qui ne maîtrise pas parfaitement l'administration française et ses évolutions depuis deux siècles, qui ne maîtrise pas non plus l'organisation du réseau des services d'archives en France, entre archives nationales, départementales, municipales, opérateurs et autres, et qui en plus n'a aucune connaissance des normes professionnelles que nous appliquons, qu'il s'agisse de cartes de classement ou de circulaires ou de tri et autres. Donc l'objectif pour nous, c'est de satisfaire le maximum de personnes possibles en proposant un outil le plus accessible possible. France Archives, d'autre part, est un portail de valorisation. Or, aujourd'hui, vous le savez, on peut le regretter, mais c'est comme ça, il faut faire avec. La valorisation passe par la présence en ligne. Et l'accès à Internet se fait par les moteurs de recherche. Alors, je vais éviter de citer des noms, mais vous voyez à peu près de qui je parle. Sur France Archives, 70% de notre public arrive sur le portail par l'intermédiaire d'une requête sur un moteur de recherche principalement. Or, l'EAD, l'XML EAD, vous le savez, du fait de son arborescence qui peut être parfois extrêmement complexe, est très mal prise en compte par les robots de ces moteurs de recherche qui indexent les contenus archivistiques. Ce qui fait que bien souvent, malgré la richesse des informations que nous mettons en ligne, qu'il s'agisse d'images ou d'instruments de recherche, eh bien, ces informations sont invisibles. Vous avez beau faire défiler les pages, vous ne les trouvez quasiment jamais. Donc France Archives a été conçue dès le début pour pallier ce problème. Pour ce faire, c'est un portail qui respecte les préconisations édictées par les moteurs de recherche eux-mêmes afin de faciliter le travail de leurs robots. C'est ce qui s'appelle un schéma qui s'appelle schéma.org qui est régulièrement mis à jour par les moteurs de recherche et dont nous suivons les évolutions afin de permettre à France Archives de continuer d'être très bien référencé sur les moteurs de recherche. Ce très bon référencement qui se traduit par la présence sur la première page des résultats des moteurs permet aussi comme nous indiquons le chemin au robot du moteur de recherche, puisque France Archives renvoie toujours vers un contenu qui figure sur un site partenaire, le robot repère ce chemin et ça permet en fait de faire remonter également les résultats des données qui sont produites sur les sites d'archives partenaires. Ce qui fait que lorsque vous êtes sur France Archives, vous bénéficiez, par le biais de ce chemin que nous reconstituons pour le moteur, également d'une meilleure visibilité pour votre propre site web. Donc néanmoins, il y a une dimension professionnelle à France Archives. Hein, vous la connaissez, vous consultez sans doute régulièrement la partie professionnelle de France Archives. Je pense notamment au moteur des circulaires. Donc, lorsque nous avons mis en place France Archives, nous en avons profité pour faire évoluer notre ancien site qui s'appelait Archives de France, qui n'avait pas bougé depuis 2010 et qui ne répondait à peu près à aucune des préconisations en matière d'accès Internet aujourd'hui. Donc, c'est une opération que nous sommes en train de terminer. Nous avons repris ces contenus. Nous sommes en train de retravailler le mode d'accès à ces contenus professionnels et ça devrait bientôt être terminé. Donc pour résumer, je vais utiliser une comparaison avec le monde des biotechs. Vous connaissez sans doute Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Eh bien, France Archives, ce n'est pas Gallica. France Archives, c'est l'équivalent du catalogue collectif de France. C'est un portail de signalement, de repérage. Donc ce portail de repérage repère quoi ? Eh bien, il repère les inventaires, les instruments de recherche pour que nous fournissent nos partenaires, nos services d'archives partenaires. Nous ne récupérons pas les images numérisées elles-mêmes. Donc si vous avez par exemple un fond d'érudit, un fond de photographie, ce fond ne sera pas sur France Archives, c'est l'instrument de recherche qui permet d'accéder à ce fond qui figure sur France Archives. Bien entendu, si nous pouvons permettre un lien direct vers l'image qui reste stockée chez vous, nous ne nous privons évidemment pas. Mais notre objectif principal, ce n'est pas d'avoir des statistiques de consultation mirobolantes sur France Archives, c'est que le maximum de personnes arrivent sur vos sites web pour consulter les documents qui y figurent. Donc nous hébergeons également la documentation professionnelle dont nous venons de parler. Et dernier point, nous avons dès le début mis l'accent sur le respect au maximum des préconisations du référentiel général d'accessibilité. Donc actuellement, nous sommes à 75% et nous travaillons à améliorer ce chiffre. En termes de partenariat, donc je ne vais pas vous lister vous relire la diapositive que vous avez sous les yeux. Je remercie les 4 établissements publics ou assimilés qui sont peut-être dans cette salle d'ailleurs et qui font déjà partie de France Archives, donc la PHP, le Musée du Quai Branly, l'Observatoire de Paris et la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Donc nous sommes actuellement en cours de discussion avec d'autres opérateurs, donc l'INA, Sciences Po, La Contemporaine, le campus Condorcet, le muséum que nous rencontrons la semaine prochaine d'ailleurs. Donc France Archives, ce n'est pas un portail qui est limité aux archives départementales, municipales ou nationales. Au contraire, on le verra un peu plus loin, nous sommes à la recherche des partenariats les plus diversifiés possibles afin de proposer au public des résultats de recherche les plus riches possibles. Donc quelques chiffres, donc 70% c'est le pourcentage d'accès depuis les moteurs de recherche généralistes, je l'avais déjà dit. Nous sommes actuellement à 100 000 visiteurs uniques par mois. C'est un chiffre qui augmente gentiment. On était à 90 000 il y a un an, on est à 100 000 maintenant. Avec 70% des usagers qui viennent depuis les moteurs de recherche, plus il y aura de contenu sur France Archive, mécaniquement, plus il y aura de visiteurs uniques. Donc on compte sur vous évidemment quand même pour augmenter nos chiffres. Actuellement, donc, il y a plus de 42 000 instruments de recherche sur France Archive, même si c'est une unité de mesure qui ne veut pas dire forcément grand-chose. Un instrument de recherche peut faire 300 pages comme il peut en faire 10. Néanmoins, ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur. Donc 300 000 pages indexées par Google. Et enfin, une visibilité internationale. Évidemment, ce sont les Français qui constituent le principal public de France Archive. Mais le deuxième pays le plus représenté en termes de connexion, ce sont les États-Unis. Et là, on rejoint un des objectifs qu'on avait, justement, de rendre accessible une documentation scientifique, notamment, qui était peu connue ou peu repérable par un public non familier avec nos pratiques administratives françaises. Le troisième pays, c'est l'Algérie. Voilà. Et je vais donc passer la parole à Manon Mani. Donc, le portail en pratique. Donc, le portail, c'est d'abord un moteur de recherche, des contenus pour valoriser les archives françaises et enfin une partie professionnelle. Donc, le moteur de recherche est vraiment la plus importante de France Archive, du portail, parce que portail a été conçu autour de ce moteur qui est vraiment le cœur de son fonctionnement. Il a le premier accès à une information sur France Archive devrait passer par une recherche par mots-clés. Il y a tout de même une toute petite subtilité qui n'est pas évidente, mais sur laquelle nous travaillons à l'améliorer, c'est qu'actuellement, vous voyez que dès qu'on commence à taper un nom dans la barre de recherche, il propose une autocomplétion et il faut savoir qu'actuellement, cette autocomplétion ne prend en compte que les termes indexés dans les inventaires. Donc, si vous voulez faire une recherche sur France Archive, pour le moment, il vaut mieux taper un mot en entier et utiliser les guillemets pour une recherche exacte, une expression exacte. Ensuite, vous pouvez affiner dans un deuxième temps votre recherche par l'utilisation des facettes. En tout état de cause, le moteur de recherche est très puissant et nous travaillons en fait à l'améliorer en travaillant sur des alignements d'indexation justement pour pouvoir désambiguiser certains termes indexés qui soient reconnaissables par l'homme et par la machine. Il y a par exemple Paris en France et Paris au Texas. Il faut pouvoir faire la différence. Le classement des résultats se fait par pertinence d'abord et ensuite par nombre d'occurrences. Ce classement a peut-être pu vous paraître un petit peu déroutant au début. France Archive, c'est aussi beaucoup de contenu pour les publics. Alors, ces deux parties, découvrir et comprendre, qui sont sur la page d'accueil, sont en cours d'évolution. Il y a découvrir, le but, c'était de faire une présentation assez générale de ce que c'est que les archives. Et dans la partie comprendre, donner des clés pour surtout le grand public, un public non spécialiste ou alors des enseignants, par exemple, de services éducatifs qui cherchent des ressources sur Internet. Comment pouvoir faire une recherche sur sa maison, sa généalogie ou alors trouver un document administratif. C'est aussi la partie où on valorise les activités culturelles et scientifiques des services d'archives en présentant les publications et les expositions virtuelles. Et ces deux parties ne sont pas ouvertes uniquement aux partenaires qui ont signé une convention avec France Archives, elles sont ouvertes à tous. Donc, si vous faites des expositions ou publiez un ouvrage quelconque, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on fasse une actualité et aussi une présentation sur France Archive. Et enfin, il y a des contenus pour les archivistes. Alors, vous pouvez bien sûr y accéder par une recherche dans le moteur de recherche. Ces contenus, comme Mathieu l'a dit, proviennent de l'ancien site institutionnel des Archives de France et ils sont en cours de mise à jour. La dernière mise à jour était sur l'archivage numérique il y a quelques jours. Les pages ont été entièrement revues. Donc, vous pouvez y accéder par le moteur de recherche ou en utilisant les facettes. Il y a un menu à l'entrée de la rubrique. Et sur la partie gauche, vous voyez rubrique sur la partie gauche. Et là, vous pouvez dérouler toute l'arborescence et naviguer un petit peu comme vous le faisiez sur l'ancien site. Vous voyez que cette mise à jour aussi date du mois dernier. Et vous voyez que France Archives, en fait, est en évolution perpétuelle, justement pour prendre en compte des remarques qui nous sont remontées ou alors à l'usage aussi. Et pour les circulaires, c'est la même chose. On a développé des facettes qui permettent de filtrer les résultats pour arriver à trouver la circulaire qui vous convient. Donc, le but de France Archives, c'est bien sûr de valoriser les activités des services. Nous avons une communication multicanal, le portail, bien sûr, un compte Twitter qui est alimenté journellement et qui retweet aussi toutes sortes d'informations provenant des services d'archives et une lettre d'information qui est diffusée assez régulièrement et que vous devez recevoir. Donc, France Archives valorise aussi les actualités du réseau, je redis, expositions, conférences, mise en ligne de documents numérisés. N'hésitez pas à nous faire part de vos actualités pour qu'on puisse les relayer. L'idéal, c'est d'avoir une illustration et un texte qui est aussi un petit peu différent de l'actualité que vous pouvez mettre en ligne sur votre propre portail. C'est mieux pour le référencement sur les moteurs de recherche. Et de toute façon, on fait le lien toujours vers votre site internet. Il y a une partie offre d'emploi qui est accessible dans le pied de page du portail. Et on valorise aussi les publications des services d'archives. Je crois qu'actuellement, il y en a plus de 560 qui sont déjà référencées et le travail progresse de jour en jour. Et on fait aussi le lien vers les expositions virtuelles des services. Enfin, France Archives est l'agrégateur national pour le portail européen des archives. En effet, ça donne une meilleure visibilité, puisqu'elle est du coup européenne, à toutes les données qui sont confiées à France Archives. Et donc, si effectivement vous voulez que vos données soient visibles via ce portail, la meilleure porte d'entrée, c'est finalement France Archives, qui va ouvrir prochainement un entrepôt OAI, PMH, et être moissonné par le portail européen. Il faut savoir que le portail européen utilise un format de l'EAD qui est un petit peu plus restreint que l'EAD 2002, puisqu'il a dû faire la synthèse, trouver le plus petit commun dénominateur entre les utilisations de l'EAD dans tous les pays européens. Donc, France Archives convertit les instruments de recherche à ce format-là et on est en train de finaliser les tests pour transférer les instruments de recherche des archives françaises sur le portail européen des archives. Et ça devrait être effectif d'ici un mois. Et par ailleurs, France Archives aussi expose les données en open data, conformément à la réglementation. Donc, pour rejoindre France Archives. Donc, oui, après cette présentation, je suppose que vous mourrez d'envie de savoir comment vous pouvez rejoindre ce club extrêmement select qu'est France Archives. Parce qu'en effet, il y a des conditions pour rejoindre France Archives quand même. D'une part, votre institution doit conserver des archives. Ce n'est pas des archives privées, des archives publiques, historiques, scientifiques, pédagogiques, statistiques, tout ce que vous voulez. Mais ce doivent être des archives définitives. Sur France Archives, on ne signale pas d'archives intermédiaires. Ce ne sont que des archives définitives. Deuxième restriction, il faut que vos fonds d'archives définitives soient pourvus d'instruments de recherche. On ne se contente pas d'une simple présentation sur France Archives. Il faut qu'il y ait une réelle description de vos fonds. Et enfin, troisième condition, vos fonds doivent pouvoir être consultés librement par le public. C'est simplement pour que l'information que nous signalons et que peut trouver un utilisateur, enfin que l'utilisateur qui trouve l'information que nous signalons ne se heurte pas ensuite à un mur et ne puisse pas avoir accès à l'information que nous avons signalée. Donc dès lors que vous remplissez ces trois conditions, vous pouvez devenir un partenaire de France Archives. Et en fait, concrètement, c'est assez simple. Vous avez la procédure sur cette diapositive. Concrètement, on fait un test avec l'un ou l'autre de vos instruments de recherche pour voir si France Archives peut les digérer. En général, il le peut. Et on signe des conventions de partenariat. On en signe deux, en fait. Une pour France Archives, en tant que tel, par laquelle vous vous engagez à nous envoyer vos instruments de recherche et à nous laisser les mettre ensuite en open data, comme Manon Mani l'a évoqué, dans les jeux de données en open data que propose le portail. Vous engagez aussi à nous laisser les envoyer sur le portail européen des archives. Et c'est à peu près le seul engagement que vous prenez. Donc, en échange, vous bénéficiez de tous les services de France Archives que Manon Mani a évoqués. Et en plus, vous pouvez également, si vous le souhaitez, récupérer, pour ce qui concerne vos données, les alignements sur des référentiels auxquels nous sommes en train de procéder. Donc, référentiels de lieux, de personnes, bientôt matières, pour réinjecter ces enrichissements dans votre propre moteur de recherche interne. Donc c'est un engagement que nous prenons également par le biais de cette convention. La deuxième convention que vous signez, parce que nous ne la signons pas, vous la signez avec le portail européen des archives pour que le partenariat entre votre institution et le portail européen soit formalisé. Je précise bien évidemment que l'inscription, enfin le partenariat avec France Archives est gratuit et ça ne vous coûte absolument rien du tout à part le mail par lequel vous nous envoyez vos instruments de recherche et le timbre avec les conventions à signer que vous pouvez nous adresser. Voilà, vous avez sur le lien qui est indiqué un dossier complet qui présente tous ces éléments, notamment d'un point de vue technique, qui résume ce que je viens de vous dire. Et d'un point de vue technique, il n'y a pas beaucoup non plus de contraintes. Ce que France Archives digère beaucoup de choses, il accepte toutes sortes de formats, bien sûr le AD, mais aussi du PDF, du Dublin Core, du CSV, du Nominar. Il peut être alimenté soit via un moissonnage d'un entrepôt OAI, c'est ce que l'on préfère, mais il prend aussi des imports directs. Vous pouvez nous envoyer des fichiers par mail ou par... Et il utilise, comme le but, c'est de valoriser, donner plus de visibilité à vos sites internet, à vos données. Développe aussi toutes sortes de techniques de rebond vers les sites sources, de façon à ce que l'internaute qui trouve une information sur France Archives, à laquelle il ne s'attendait peut-être pas de trouver, puisse aller directement sur la même notice, sur votre site internet, et de là continuer à explorer vos instruments de recherche ou vos données. La seule contrainte de France Archives, c'est qu'ils n'hébergent pas de fichiers images qui doivent rester sur les serveurs du site source, ce qui est très bon pour vos statistiques. Les seules restrictions de France Archives, c'est qu'ils ne prennent pas d'ouvrages, de catalogues de bibliothèques. Comme Mathieu l'a dit, c'est surtout des fonds, c'est uniquement les fonds d'archives définitives. Et on ne prend pas non plus d'instruments de recherche contenant des données nominatives non communicables, ce qui est assez logique. Et c'est le choix des données, ce n'est pas l'équipe de France Archives qui l'effectue, c'est vraiment vous, ceux qui alimentent le site, c'est eux qui décident, c'est les services qui décident ce qu'ils veulent exposer sur France Archives ou non. Voilà, donc l'équipe projet est à votre disposition pour tester des données ou en accueillir, et vous pouvez nous contacter à l'adresse qui est sur la diapo. Merci de votre attention. Merci.